Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Leur début. Leur début, une série radiophonique, ça c'est sûr, qui eut pour héros ou héroïne Béatrix Dussan, Spinelli, Maurice Denet. Les dates d'enregistrement sont indiquées, prononcées même, ces émissions ont dû être diffusées. Quelques jours après leur enregistrement, quelques mois, quelques années, cela n'est pas mentionné, mais cela n'est pas neutre, vu l'époque. N'empêche, plus tard, dans les années 50, elles furent vraiment présentées aux auditeurs de la chaîne nationale cette fois. Et en voilà une sur France Culture, dans les nuits de France Culture. Des débuts de comédien et des débuts d'auteur dramatique en une seule personne, Sacha Guitry. L'entretien, en fait c'est un monologue, l'entretien est bref et ensuite c'est le premier acte de Nono qui est présenté. Avec entre autres Geneviève Guitry, Suzanne Dantès, François Perrier et Noël Roquevert. Émission Leur Début. Sacha Guitry, mise en onde par Max Derieux. Le 28 octobre 43. Mes débuts. Raconter mes débuts, c'est déjà me faire un effort de mémoire. Mais la chose m'a été si aimablement demandée que j'aurais mauvaise grâce à me faire prier. Je suis auteur dramatique et je suis comédien. De quel début me parle-t-on? Peu importe, et puisque mes débuts d'auteur dramatique sont liés à mes débuts de comédien, je vais faire d'une pierre deux coups. J'ai joué pour la première fois la comédie à Saint-Pétersbourg auprès de mon père en 1890, il y a 5 ans de 3 ans de cela. J'avais 5 ans. Mais il faut bien le dire, mes débuts véritables ne datent pas de si loin. Ils se situent en 1905 à Savallerie-en-Caux, où j'étais engagé pour la saison d'été. Je jouais sous le nom de Lorsay et je gagnais 10 francs par jour. Je ne les méritais pas d'ailleurs, car voici ce que fut cette soirée mémorable pour moi. Je jouais le vicomte de Morard dans une pièce intitulée « Le député de Bombignac ». Vers le milieu du premier acte, un valet de pied devait ouvrir la porte et annoncer « Monsieur le vicomte de Morard ». Il y avait en scène 5 ou 6 personnes, des dames et des messieurs, qui devaient faire « Oh !» en me voyant entrer. Et moi, je devais m'écrier « Vraiment, mesdames, je ne sais comment vous remercier d'un accueil si cordial. Je viens passer 3 semaines à Poitiers chez un vieil oncle à moi. Et si ma visite est un peu matinale, c'est que j'avais grand hâte de revoir Raymond et de lui serrer la main. » Mais les choses ne se sont pas passées ainsi. J'avais un pantalon blanc qui avait excessivement adréci au blanchissage, j'avais égaré un de mes gants, j'avais à la main un petit chapeau de paille ridicule, et je m'étais collé pour me vieillir un peu une paire de moustaches qui ne m'allait pas bien du tout. Mais je n'étais pas encore au bout de mes malheurs. Je me trouvais en coulisses, transi de peur et prêt à entrer en scène. Il y avait là, près de moi, l'excellent acteur Schutz, qui a toujours aimé faire des farces à ses camarades. Or, au moment exact où j'allais franchir le seuil du décor et paraître en scène, Schutz me dit dans l'oreille, vous avez perdu une moustache. Ce n'était pas vrai, mais je portais la main immédiatement à mon visage et très vite, j'arrachais l'une de mes moustaches. Il me restait l'autre. Et c'est avec une seule moustache que j'entrais en scène. Le valet de pied en souriant avait annoncé Monsieur le Vicomte de Morard. Et lorsque je parus avec ce pantalon trop court et cette seule moustache, mes camarades en scène aillent. Ce fut un hurlement dans la salle. Il y eut des sifflets, nous n'avons pas pu reprendre notre sérieux et le lendemain, j'étais résilié. Honteux, navré et me trouvant brusquement sans ressources, je pris la détermination de reprendre ma carrière à peine ébauchée de dessinateur dans de petits journaux illustrés qui voulaient bien m'accueillir avec mes caricatures. J'achetais pour cela une 20aine de feuilles de papier Wattman et des crayons comptés. Rentré chez moi, dans la petite villa que j'habitais à Saint-Valery-en-Caux, je me mis au travail. Jules Renard, Capu, Donnet, Tristan, mon père, tous y passèrent. Ils étaient plus ou moins ressemblants, mais le plus ressemblant de tous était mon père, évidemment. À force de chercher ses traits et son regard, à force de penser à lui, l'idée tout à coup m'est venue de lui faire une pièce. Elle était folle cette idée, car nous étions brouillés alors, mais c'était un bien joli rêve qui s'est réalisé plus tard, 13 ans plus tard avec Pasteur. J'avais plié en 8 mes feuilles de papier à dessin, et sans savoir où j'allais, j'ai commencé d'écrire sur cet inoctavo une scène violente entre un homme et sa maîtresse. C'était le premier acte de Nono. Cette pièce, je l'ai faite en 3 jours, et elle eut un destin que je ne soupçonnais pas. Elle a été créée au Théâtre des Mathurins quelques mois plus tard. Depuis, elle a été reprise 7 fois. Ce premier acte, le voici tel que je l'ai écrit quand j'avais 19 ans. Que ce soit mon excuse. Personnage, Nono, Geneviève Guitry. Madame Veil, Suzanne Dantès. Jacques Valois, François Perrier. Jules, Noël Roquevert. Robert Chapelle, l'auteur. Le rôle de Jacques avait été créé par Victor Boucher et c'était ses débuts au théâtre, débuts éclatants. C'est François Perrier qui le joue aujourd'hui. Ce jeune comédien merveilleusement doué a conquis déjà l'amitié du public et se met une joie réelle de le saluer ici avec toute cette sympathie cordiale et respectueuse ainsi que l'on doit à l'avenir. Il ne fait pas oublier Victor Boucher, mais il y fait penser, ce qui est déjà bien beau. Le décor représente un salon de restaurant, la scène est vide au lever du rideau. Un instant plus tard, introduit par le maître d'hôtel, Jules, paraissent un monsieur et une dame, Robert Chapelle et Madame Peck. C'est ce cabinet-ci, monsieur. Merci. Laissez-nous. Va-t'en. Vraiment, va-t'en, c'est ridicule. Non. Ma chère Marie, je me demande quel peut être ton but en agissant ainsi, mais je te donne ma parole d'honneur que rien ne pouvait me déplaire autant que ce que tu es en train de faire. Ça m'est égal. Tu as rendez-vous avec une femme, j'en suis sûre. Mais je te jure sur ta tête que tu te trompes. Bien, bien, nous allons voir. Marie, Marie, je te conseille de t'en aller. Ton insistance à me faire partir me prouve de plus en plus que tu me mens. Bon, écoute, la raison et la logique ne peuvent rien contre l'entêtement et la sottise. Donc, me dérobant d'avance à toute explication, je te pose ce dilemme. Ou bien dans 3 minutes, tu auras franchi le seuil de cette porte. Ou bien tu ne me reverras de ta vie. Oh, Robert. Tu as 3 minutes. Jure sur ta tête, à toi, que tu as rendez-vous avec Jacques Valois. Tu n'as plus que 2 minutes et demie. Il t'invite et ne m'invite pas. C'est un joli muscle, ton ami. Jacques n'avait aucune raison de t'inviter. Il sait que je suis ta maîtresse. Du reste, je me propose de lui dire ma façon de penser la prochaine fois que je le rencontrerai. Ah, je ne te conseille pas de faire ça. Je te prie de foutre la paix à mes amis. Ils sont jolis. Et de ne pas les critiquer. D'ailleurs, tu n'as plus qu'une minute et demie. Et si je refuse de m'en aller? Nous nous séparons, voilà tout. Oh. Ah, mais oui. Non. Ah, mais si. Non. Ça peut très bien se passer comme ça. Tu ne te rends pas compte de ta maladresse et de l'état d'exaspération où je suis. Si tu ne fléchis pas ma colère par une docilité douloureuse, je vais probablement t'envoyer irrémédiablement au bain. Robert, tu aurais le courage de me quitter après 12 ans. Après 12 ans, eh bien, il me semble que c'est une bonne raison. Voyons, parle-moi franchement. Tu ne m'aimes plus? Ne mêlons pas les questions, je t'en prie. Mais je veux savoir, il faut que je... Et moi, je ne veux pas de discussions. C'est des discussions qui ne mènent à rien. Nous avons semblables tous les jours à propos de bottes. Je devrais te fiche dans le dernier. Oh, Robert. Oh, grâce à toi, je passe ma vie à rager et à me ronger. Viens ce matin à cause de toi. J'ai planqué mon valet de chambre à la porte. Adrien? Mais naturellement, Adrien, j'en ai qu'un. J'ai surpris qu'il reconstituait pour toi une lettre que j'avais déchirée. Tu me surveilles, tu me guettes, tu m'épies, tu me suis, tu me files, tu me cherches, tu me trouves, tu m'assommes, mais tu m'éteins. Mais mon cher ami, si tu en as assez, tu n'as qu'à le dire. Oh, nous nous séparons? Oh, dis donc pas de bêtises, nous ne nous séparons jamais avec ton consentement. C'est admirable, mais tu te trompes peut-être. Car enfin, tu n'as plus 20 ans, tu n'es pas très riche. Tu fais des vers, mais tu n'es pas célèbre. Mmh. Tu es à droite, toi, en ce moment. Non, mais c'est vrai. Enfin, voyons, n'ai aucun intérêt à rester avec toi. C'est pourquoi, justement, il faudra que je m'arrache de force. Je te préviens que ce jour approche à grands pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Hein? Je te gêne ici. Non, tu m'énerves. Mais tu vois bien que tu as rendez-vous avec une femme. Oh! Et si j'avais rendez-vous avec une femme, nous serions séparés pendant le dîner. Nous ne comprendrons pas. Jamais tu ne m'as parlé ainsi. Oh, Robert, oh, je sens bien que maintenant... Oh, nom de Dieu, voilà les larmes. Oh non, ne pleure pas, je t'en prie. Non, non, non, ne pleure pas, c'est que ça n'en finit plus, les larmes. Alors, allons, allons, allons, allons. Embrasse-moi. Quoi? Embrasse-moi. Tu t'en iras? Mais... Tu t'en iras? Tout de suite. Tout de suite. Tu t'en iras tout de suite? Oui, embrasse-moi. Viens. Oh, mords-moi. Oh, Dieu. Oh, oh. Oui, mais va, va, va. T'es promis, t'es promis. Au revoir, mon ami. Au revoir. Tu rentreras chez moi? Mais naturellement, je rentrerai chez moi. Pas trop tard. Non, pas trop tard. Alors, c'est ça, à demain déjeuner. Je m'en réjouis d'avant. Ouf. Ah, je n'en peux plus. Mon Dieu, qu'elle est embêtante. Pauvre femme, elle souffre, c'est bien. Mais moi aussi, je souffre, c'est plus grave. Oh, j'aurais dû l'épouser. Nous serions séparés depuis longtemps. Ah, où est-elle, la brave petite femme, calme, tranquille, et qui me laisserait travailler? Où est-elle? La voilà. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Bonjour, monsieur. Bonjour. Jules. Comment? Jules. Mais pourquoi m'appelez-vous Jules? Jules, c'est mon nom. Ah, pardon. Et pourquoi me dites-vous votre nom? Parce que quand je vous ai dit bonjour, monsieur, vous m'avez répondu bonjour avec l'air de dire bonjour qui? Alors pour faciliter la conversation. La conversation? Vous avez à me parler? Non, monsieur. Mais on a toujours quelque chose à se dire. Mm-hmm. Votre dame est partie. Elle est partie, oui. Ah, je vous plains, monsieur. Qu'est-ce que vous dites? Je dis ah, je vous plains. Et pourquoi dites-vous ah, je vous plains? Parce qu'on entend tout à côté. Oh, ben, c'est charmant. Mais ne craignez rien, ça ne sortira pas d'ici. Je sais ce que c'est, allez. Ah oui? Oui, j'ai une femme absolument semblable. Oh, nom de Dieu. Assommante, collante, jalouse. Merci, merci, merci. Ces femmes-là ont certaines qualités. Elles sont bonnes, elles vous soignent merveilleusement. Mais on ne peut pas tout le temps être malade. Mais non, évidemment. Oh, les femmes dévouées. Ah, les femmes. Ce sont des êtres terribles, mais si délicieux. Et puis, c'est encore ce qu'on a trouvé mieux pour eux. Mais dites-moi, ça doit être un métier bien amusant que le vôtre. Vous devez voir, observer. Il y a du bon, ce métier-là. Oui, pour certains. Pas pour vous? Non. Ah, pourquoi? Parce que moi, j'ai une nature très spéciale. Mm-hmm. Je suis un type d'un genre vulgaire. Je m'attache. Allez donc vous attacher à des gens qu'on voit pendant 2 heures dans un cabinet de restaurant. Oui, évidemment. Mais pourquoi ne vous passez-vous pas comme valet de chambre? Mais toujours pour la même raison. J'ai peur de m'attacher à quelqu'un qui n'en vaudrait pas la peine. Je crains une déception. Ah oui? Vous seriez dévoué à un bon maître? Corps et âme. Corps et âme? C'est tout ce qu'il faut. Plus précisément, j'ai besoin d'un valet de chambre. Et tenez, voici mon adresse. Venez donc me voir demain matin, voulez-vous? Sans être présomptueux, je crois que je pourrais faire votre affaire. Voici ma carte. Oh! Vous connaissez mon nom? Non, je connais le nom de la rue. De la rue, après. Ce n'est pas à vous qu'on sonne. Oui, monsieur. Ah, oui. Mais vous n'y allez pas. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Ah. Facilez pas dans le couloir. Le salon de monsieur Jacques Valois, s'il vous plaît. C'est ici, mademoiselle. Monsieur Robert Chapelle? Oui, c'est moi. Nous devons souper ensemble, monsieur. Il est donc inutile de reculer une présentation inévitable. Antoinette Berger. Antoinette Berger? Oui. Mais on m'avait dit... Nono? Oui, c'est ça, Nono. En effet, tout le monde m'appelle Nono. Pas moi. Ça viendra, j'espère. Parce que ça dépend de moi. Mais naturellement. Jacques m'a dit que vous étiez son meilleur ami. Une rapide intimité s'impose. Alors, bonjour, Nono. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Est-ce que vous désirez conserver ce manteau? Oh non, pas du tout. Bon. Je crois être en effet le meilleur ami de Jacques. En tout cas, je suis le plus ancien. Mais vous êtes... enfin, il est... Non, moins... ne vous reprenez pas. Allez, j'ai 20 ans de plus que lui. Vous avez 40 ans? Oui. Oh, c'est étonnant. J'en parle à 43. Oh non. 44. Oh non, pas du tout. Oh, vous avez un gentil rire, mademoiselle. C'est vrai? Ah oui, vous venez d'avoir une expression charmante, là, en riant. Ah, vous ne devez pas être méchante, vous. Oh non, pourquoi faire? Et moi? Vous, quoi? Me donneriez-vous 20 ans? Ah, si j'avais 20 ans, je les garderais pour moi. Non, sans blague, quel âge me donnez-vous? Ben, c'est très délicat, parce que si on dit plus, on est grossier. Si on dit moins, on a l'air de ne pas s'y connaître. Alors, pourrez-vous me dire l'heure, au moins? Ah, ça, oui, je ne risque pas de vous vexer en vous disant qu'il est minuit 20. Tiens, mais au fait, comment se dit que Jacques ne soit pas là? Il est allé à un match de boxe. Ah, mon Dieu, il n'a rien d'important à me dire. Je crois pas, pourquoi? Parce que depuis un mois, il ne m'a pas donné signe de vie, et brusquement, je reçois ce matin ce mot qui m'invite à souper. Oh, non, non, non, rien de grave, non, seulement... Nous nous connaissons depuis un mois. Ah, son silence s'explique et s'excuse. Un mois. Ça ne va déjà plus tous les deux. Pourquoi donc? Vous invitez du monde? Oh non, ça va très bien, très bien. Non, mais Jacques me parlait tout le temps de vous, alors j'avais envie de vous connaître. C'est moi qui l'ai prié de vous inviter à souper ce soir. Je vous en remercie infiniment. Ah, Jacques vous parlait de moi. Que vous disait-il? Ah, je vous connais, allez. Oh, vous me connaissez? Oh, je ne crois pas. Vous rougissez? Moi, je rougis. Oh, ça m'étonnerait bien. Voyons un peu si vous êtes bien renseigné. Qu'est-ce que vous savez de moi? Je sais que vous avez connu Jacques à l'âge de 5 ans. Oui, après. Je sais que vous êtes très lié avec son père. Oui, après, après. Je sais que vous vivez loin du bruit et des plaisirs. Après. Avec une vieille maîtresse qui vous rase. Oui. Eh bien, écoutez, ce n'est pas tout à fait exact. Non, d'abord, je ne vis pas avec elle. J'ai un chez moi. Et puis, elle n'est pas vieille. Oh, bon, elle a 46 ans. Non, 45. Eh bien, c'est pas vieux, 45 ans? Non, vous verrez. Ce n'est pas vieux, 45 ans. Oh, je vous demande pardon. Je croyais qu'elle vous rasait beaucoup plus que ça. Mais vous êtes gentil. Vous avez envie de dire quelque chose. Dites-le. Dites. Quoi? Vous l'aimez encore? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ça m'amuse. Dites, vous l'aimez? Je voudrais pas qu'elle soit malade. Elle a dû être très jolie. Oh, elle a été charmante. Mon Dieu, quelle mémoire j'ai. Oh, vous êtes triste. Oh, jamais de la vie. Si, je vous ai fait de la peine. Oh, quelle prétention. Voulez-vous bien vous taire? Et vous? Êtes-vous heureuse, vous, au moins? Moi, oui. Ah, vous, oui. Vous aimez bien Jacques? C'est un bon gosse. Hein. Il est gay, il est heureux. Il aime bien faire la fête. Oh, oui, oui, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh là là, et lui? Il me dit qu'il m'adore. Il le fait? Oui. Je le comprends, d'ailleurs. Et puis, il aime bien faire la fête. Voilà le principal. Ah, ça a son importance. Ah oui, c'est donc si amusant que ça de faire la fête. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Oui, évidemment, avec des yeux comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Vous faites la grimace? Ça m'embête de vous avoir fait de la peine tout à l'heure. Mais vous ne m'avez fait aucune peine, petite bonne femme. On demande madame à l'appareil. Comment? On demande madame à l'appareil. Je n'entends pas ce que vous dites. On demande madame à l'appareil. Ah bon, il avait l'air d'un chef de gare qui appelle des stations. Et pourquoi le dites-vous si vite? Parce que j'ai très pressé. Ah bon, bon, bon. Mon frère Jacques, j'y vais. Je vous en prie. Ah, comme ça, oui. Ah, voilà. Voilà ce qu'il faudrait. Ah, ça, c'est charmant. Mais délicieuse. Et l'autre qui est toute seule là-bas et qui pleure. Quelle joie, mon Dieu, si elle me voyait arriver. J'ai envie de rentrer. Ça lui ferait plaisir. Je crois que ça vaut mieux. Oui. Si encore cet enfant n'était pas la maîtresse de Jacques. Oui, décidément, c'est plus prudent. Mettons mon par-dessus. Où allez-vous? Vous vous en allez? Oui, vous allez me pardonner, je suis fatigué, je rentre. J'ai une migraine épouvantable. Je ne tiens plus debout depuis 10 minutes. Vous vous ennuyez? Oh, je ne réponds même pas. Au revoir. Oh, alors vous allez la retrouver? Non, je rentre chez moi. Menteur. Parole, au revoir. Restez. Non. Restez, Jacques arrive. Non, mais comprenez donc, il vaut mieux que je m'en aille. Vous vous flattez. Je vous jure, au revoir. Trop tard, le voilà. Entrez. Ah, vous l'aurez voulu, vous, par exemple. Ah non? Qu'est-ce que c'est? Une dame m'a prié de remettre ça, monsieur, qui est en voiture. Ah, ça, une dame qui est en voiture. Merci. Vous permettez? Faites donc. C'est pas à vous, je demande. Ça vous permettez? Oh, non. Oh, non, non, non. Non, non, non. Oh, non, non, non, non, non. Oh, non, non, non. Oh, mais non. Oh, mais non. Oh, non, oh, non, non, non, non. Non, dites que je regrette beaucoup, c'est absolument impossible. Vous ne partez plus? Ah, non. Je veux bien y aller de moi-même, mais comme ça, jamais. Oh, chic. Que chic, vous êtes contente que je reste? Oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Encore. Quoi? Encore ce regard. Regardez-moi dans les yeux. L'ami d'un petit bonhomme comme vous. Oh, mais bien sûr. Oh, ça me paraît bien dangereux, moi. Oh, mais non. Oh, mais si, vous me plaisez trop et trop vite. Dites-moi, vous êtes vraiment heureuse? Oh, mais oui, très heureuse. Vous êtes satisfaite de la vie que vous menez? Oh, mais oui, quelle drôle de question. Mon existence... Oh, elle m'effraie, votre existence. Mon existence, vous effraie? Ah, oui. Et pourquoi? Ah, parce qu'il y a tant de choses que vous ignorez. Et que vous risquez là d'ignorer toujours. Quelle chose? Oh, tout, enfin presque tout. Tout? Mais ce n'est pas une réponse, dites-en une pour voir. Oh, mais je ne sais pas, on ne trouve pas comme ça, je ne sais pas. Si, si, si, dites-en une. Un exemple. Mais ben, je sais pas, une au hasard. Alors, connaissez-vous Madame Bovary? Dites-le franchement, il n'y a pas de honte à ça. Madame Bovary. Oui. Il me semble. Est-ce que ce n'est pas une grosse blonde qui est toujours... Non, non, non, non, non, non, non. Non. Non, non, non. Ah. Non, c'est un livre. Oui, évidemment, j'ai... Ah. Oui, oui, oui, oh, j'ai eu tort de vous demander ça. Quelle folie, hein. Oui, évidemment. Oui, c'est pas crevé de rire. Je n'ai pas le temps de lire, voyons. Je passe mes nuits en chemise de jour et mes jours en chemise de nuit. Oh, quel dommage. Oh, mais non. Quoi, chacun son genre. Tout le monde ne peut pas être pareil. Moi, j'aime la noce. Ça ne fait de mal à personne. Au contraire, je suis jolie, je fais profiter les autres. Les vénards. Pareil. Ah, vous. Si vous n'étiez pas la maîtresse de Jacques. Vous me lèveriez? Non, je vous coucherais. Est-ce un compliment personnel ou un hommage rendu aux femmes en général? Un compliment personnel. Je vous plais? Oh, beaucoup plus que vous ne pouvez le penser. Oh, tenez, en ce moment... Jacques, bien dit. Oh, c'est voilà. C'est ce cabinet-ci, monsieur. Bonjour, mon vieux. Bonjour, mon petit, bonjour. Bonjour, mon amour. Vous vous êtes présenté? Oh, il demande si nous nous sommes présentés, quel tout père. Hein? Ne nous présente plus un instant, il est minuit et demi, tu sais. Oui, je vous demande pardon, il y avait un match de boxe admirable. Et ta femme n'est pas là? Ah, non, et puis d'abord, dis donc, toi, qu'est-ce que c'est que cette façon de l'appeler ma femme? Comment veux-tu que je l'appelle? Oh, je l'appelle prendre d'un chien, il viendrait. Tu l'avais invité? Naturellement. Oui, oui, seulement, elle n'en sait rien, non, j'ai gardé ça pour moi. Ah, bien. Tiens, tout père. Oui, oui, oui, je crève de faim. Occupe-toi de ça, Nono, hein. Oh, je suis content de te revoir, mon vieux. Moi aussi, mon petit Jacques. Voilà pourquoi tu ne m'as pas vu depuis un mois. Mais oui, je sais. Oh, elle est délicieuse. N'est-ce pas, hein? Oh, À tel point que où l'as-tu trouvé, voir s'il y en a d'autres. Ah, ça, je ne peux pas, faut pas le dire. Bon, on le dit. Enfin, elle vit dans sa famille. Ah. Elle est tout ce qu'il y a de plus convenable. Hein. Ah oui, mais d'ailleurs, tout de suite, en causant avec elle, j'ai vu ça. Dis donc, quand tu l'as connue, elle était, je ne me pense pas, mais moi, comme Jeanne d'Arc. N'hésite pas, c'est l'un ou l'autre. Non, elle n'était pas jeune. Ça n'a d'ailleurs aucune importance. Tu l'as. Oh, j'en suis. Mais voilà le principal. Ah, et toi, rien de nouveau? Hélas, non, moi, c'est toujours la même et toujours la même chose. Mon pauvre vieux, tu l'auras jusqu'à ta mort. Non, jusqu'à la tienne. Oui. Dis donc, avec ton père, ça va pas, toi, en ce moment. Hein? Très mal. Oh, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu avant hier au bois, il avait l'air très monté contre toi. Fais attention. Tu parlais de t'envoyer à Lausanne, à ta succursale, là-bas. Alors je te dis, prends garde, ne tire pas trop. Ah oui, oh, c'est bien. Depuis 15 jours, c'est un enfer à la maison. Mon père rage, ma mère pleure, c'est plus une vie. Ah, j'avais pas Nono. Ah, si tu n'avais pas Nono, tu n'aurais pas cette vie-là chez toi. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est à cause de Nono, oui. Dame, ça coûte cher, un petit bout de femme comme ça. Hein. Quoi? Ah oui, j'aime trop. Je veux être seul. Idiot. Bah, peut-être. Non, d'ailleurs, tu as raison, là. Paye les femmes tandis que tu es jeune. Cette affaire sera moins vite que tu vieillis. Monsieur Chapelle, les glaces, comment les aimez-vous? Transparente, mademoiselle. Mais d'abord, je vous défends de m'appeler monsieur. Tu me permets, n'est-ce pas, de lui défendre? Oh, c'est monsieur, à toi et moi. Tu n'as pas encore fini? Voilà, c'est fini. Bah, tu as bien fait les choses, oui. Il y a des huîtres, de la viande froide, du fromage et des glaces. Et comme boisson? Ah, je ne sais pas ce qu'on aime boire. Je ne bois pas, d'abord. Du champagne? Oui, je m'en fous éperdument, on dit beaucoup. Voyons, où et comment nous mettons-nous? Hein? On est? Oui, comment on est? Très bien. Voilà. Voici les huîtres. Quelles ventes? Ah, quelle idée excellente tu as eue, toi, de m'inviter ce soir à souper. Comme va, monsieur? Ben, ça. Brut? Quoi? Le champagne, brut? Ah oui, oui. Voulez-vous que je vous raconte le match de boxe? Non. Vous voulez que je vous raconte la... Non, rien. Hein, on est si bien comme ça. Tu tiens absolument à raconter quelque chose. Moi, je te dirais, j'ai horreur des gens qui racontent des histoires, surtout leurs rêves. Oh! Il n'y a pas de contrôle possible. Là. Est-ce que madame aime le champagne avec bruit ou sans bruit? Oh, c'est plus bien avec bruit parce que ça fait un peu peur. Bien, madame. Ah, vous n'avez pas eu peur. Pour boire de la mousse, ça porte bonheur. Ah oui, sauf que je crois qu'il faut surtout le faire en buvant. Bien. Ah, si j'avais su que tu venais seul, on t'aurait amené une petite femme. Ah non, voilà une idée. Hein. Il a des idées incroyables, garçon, là. Pourquoi? Ouais, parce que mon ami, moi j'aime l'imprévu, et dame, ces petites fêtes préparées d'avance. Ça en manque toujours un peu. Tu aimes l'imprévu? Eh ben, si. Et il y a combien de temps que votre ami est venu? Oui, en effet, il y a exactement 12 ans que nous ne sommes pas mariés. Oh là là là là. Oui, j'allais le dire. Et tu travailles? Je travaille tout de même, ou à cause de ça. Oui, en tout cas, je viens de finir un volume de vers, il n'est pas mal. Ah, vous êtes poète? Oui, ça vous étonne? Vous croyez que pour être poète, il faut avoir des cheveux encore plus longs que les miens et un grand chapeau mou? Non, mais vous n'avez pas l'air d'un poète. Vraiment? Dites-moi, vous aimez les vers? Oh, beaucoup. Je peux appeler Jules? Vous avez fini? Elle n'a pas l'air d'aimer beaucoup les verres. Enfin, disons qu'elle peut s'en passer. Jules! La suite, Jules. Bien, monsieur. Ah, je ne vous dis pas. Une grande nouvelle. Quoi? Voici mon nouveau valet de chambre. Jules? Mais oui, Jules. Mais oui, tout simplement, Jules. Mais oui, monsieur. C'est mon dernier jour ici. Nous ne nous sommes plus, monsieur. Ouais, ça a été fait en 5 secs. C'est parfait. Parfait. Parfait. Parfait. Parfait, parfait. Parfait. Mais que ça ne vous empêche pas de me donner la viande froide. Vous savez, cet homme-là, je crois que je me prépare une très jolie vieillesse. Voilà la viande froide. Non, elle est charmante et je comprends qu'on l'aime. Voulez-vous que je vous serve, mademoiselle, comme les maîtres d'hôtel ou comme les crabes, d'une seule main, comme ça? Allez voir. Vous savez que ce jus m'a abusé énormément. C'est un homme extraordinaire. Il est pas fier. Oui, pas fier. Il m'aurait serré la main, cet homme-là. Monsieur, il y a une espèce de valet de chambre. Une espèce de valet de chambre? Le vôtre. Je voudrais vous parler. Ah, mais c'est Émile qui entre. Entrez, Émile. Qu'est-ce qu'il y a donc? Bonjour, Émile. Bonjour, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a que je cherche monsieur partout depuis 6 heures du soir. Monsieur est malade? Non. Bah, parlez. Oh, eh bien, sale coup pour monsieur Jacques. Expliquez-vous. Ben voilà, les pas de notes sont arrivés pour vous tantôt. Monsieur est entré dans une colère épouvantable. Jamais je ne l'avais vu comme ça. Il a eu une longue discussion avec madame. Il m'a fait faire votre mal. Ta mal? Il m'a dit de vous dire que dès que je vous aurais vu, que vous veniez à la maison. Mais quelles notes sont venues? Bon, une très longue de chez le couturier et une de chez le bijoutier. Aïe. Alors, monsieur, je peux dire à monsieur que monsieur Jacques va venir. Non, je ne peux pas en venir. Non, je vais téléphoner à monsieur. Alors, je peux m'en aller? Oui, allez-vous-en. Au revoir, monsieur. Au revoir, domestique de la famille. Oh, nom de Dieu. Ah, c'est absolument ton ami. Il ferait peut-être mieux de rentrer. Ah non, non, non, je vais lui téléphoner. Oh, merci que j'ai rentré. Dis-toi, mon petit coco, elles sont fortes, ces notes. Bah, montre tes mains, mon loup. Voilà de belles bagues, gros. Dis-moi, les bras aussi. Ah, non, non, ça y est fait. Oh, je suis désolé, mon petit Jacques. Mon amour, tu n'as rien à voir là-dedans. Alors, Viola, ça me serait encore égal, mais c'est cette sacrée histoire de mal qui m'embête. Mais oui, la mal, ça fait mal. Je vais lui téléphoner, je vous montre. Non, non, Bobo. Oui. Oh non, je veux dire, non, je veux dire. C'est très embêtant, ce qui lui arrive là. Non, je vous crois. Pauvre petit. Ah oui, vous savez, je ne vous connaîtrais pas, je le blâmerais sévèrement. Mais quoi, quand on est joli comme vous l'êtes, évidemment, on perd la tête. Elles sont belles, ces bagues. Faites voir. Mieux vos yeux. Je croyais que son père était très riche. Ah oui, il est très riche, mais pas pour vous. Ah oui. Mm-hmm. Alors Jacques fait des folies pareilles. Comment des folies? Mais dites donc, vous. Si j'étais votre maîtresse, est-ce que vous n'en feriez pas autant? Mais si, pardi, évidemment, comme les autres. Eh bien alors, est-ce que vous êtes riche? Non. Non, mais j'ai de petites rentes. Ne vous en allez pas, il y a de l'espoir. Oui, en vérité, j'ai un bon oncle qui s'achemine vers le trépas. Oh, je suis bien, bien contente pour vous. Le seul malheur, voyez-vous, c'est qu'il a un pied dans la tombe et l'autre main dans le corsage de sa bonne. Mais enfin, espérons qu'il ne laissera rien à la bonne. Et alors, nous serons riches. Qui, nous? Nous. Nous? Oui. Pourquoi nous? Et pourquoi pas nous? Eh bien, oh là là là là là, ça chaud. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bon, il m'a dit j'en ai assez, tu te fous de moi, rentre immédiatement chez elle parler, tu fileras demain matin pour la suite. Oh, tu vois tout à l'heure ce que tu disais. Oh, il a ajouté, si dans une demi-heure tu n'es pas rentré, la porte sera fermée, et alors, gare à toi. J'ai envie de pas rentrer. Oh, que fou, là. Tu me conseilles de rentrer? Oh, mon ami, mais voyons rentrer immédiatement. Et avant ça, prends le pari de sentiment, pleure, trouve quelque chose. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Nono? Mon chéri, oui. Je ne sais pas trop. Alors, ça ne te fait rien de me savoir mais pendant deux mois, peut-être ensuite? Ça me ferait beaucoup de peine. Dis-lui que tu rentres et fais-le. Sois très gentil. Crois-moi. Montre-lui la photographie de Nono, il comprendra peut-être. Tu blagues, toi? Mais non, je ne blague pas, mon petit. Non, non, mais crois-moi, de la douceur et des larmes, il n'y a que ça. Nous allons voir. Allez, va vite. Vous avez entendu ce potin que vous faisiez tous les deux, là? Non, mais vraiment, il est injuste. Voilà, c'est ma faute, maintenant. Allez, c'est fini. C'est un enfant. Oh oui, mais je ne suis pas une nourrice. Ah, ça, c'est bien vrai, par exemple. Mais dites donc, je ne suis pas si plate. D'abord, je n'ai pas dit que vous étiez pas, que je m'occupe pas de ces petites choses-là, moi. Tenez. Oh non, ne m'approchez pas. Et pourquoi? Oh, parce que vous m'énervez. Si vous m'approchez, je vous préviens que vous risquez d'être embrassé sur la bouche. Chiche. Oui. Vous avez dit chiche. Oui. Oui, mais ça fait rien de dire chiche. N'importe qui peut dire chiche. Il faut se le répéter. Répétez-le. Chiche. Mmh. Eh ben, hein? Vous avez vu, chiche? Ne prenez pas un air vainqueur parce que vous m'avez embrassé sur la bouche. C'est tout fait pour ça. Ah, oh, ça m'amuserait, mon Dieu, de guider dans la vie un petit être indécis comme vous. Car vous avez beau dire votre amour de la note et de la blague, ça, avouez-le, dit. Avouez, vous avez en vous-même d'autres goûts, des goûts plus profonds que cela. Voyez, écoutez, ça ne vous plairait pas d'être, comment dirais-je, une petite maîtresse de maison, de vous occuper de tout, ça ne vous plairait pas? Ça me semblerait, ça me plairait peut-être. Oui, mais malheureusement... Laissez faire, allez, j'attends tout du hasard. Vous avez de la chance. Hein, aujourd'hui, beaucoup, parce que je vous ai connu. Oh là là là là là, que c'est rageur, c'est toi, hein? Oui, mon pauvre petit. Oh, je suis bougrement embêté. Mais oui. Qu'est-ce que c'est encore? C'est une dame. Une dame? Et bien, quelle entre? Oh, on ne dit pas comme ça qu'elle entre. Oh, on demande d'abord qui est la dame. Ça y est. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger, mais... Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Madame. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Antoine, j'ai trouvé une dépêche pour toi. Alors, j'ai pensé que ça t'attend que j'étais ici. Où est-elle, cette dépêche? Donne. Non, non. Viens. Là. Où est cette dépêche? Viens. Quoi? Rentre avec moi. C'est du sale vin. Il n'y a pas de dépêche. Non. Est-ce que tu es folle, toi? Mais je t'en prie, rentrons. Non, je ne veux pas de cette façon-là. Tu refuses de rentrer? Ah oui, je refuse. Ah, prends garde. C'est moi maintenant qui te le dis. Si tu ne rentres pas avec moi, tu risques de me perdre à tout jamais. Non, tu ne fais pas trop de joie. Adieu. Adieu. Non. Vous partez, madame? Oui, je crains de vous déranger. Nous déranger, mais pas du tout. Voyons, asseyez-vous donc, je vous en prie. Et puis vous êtes fatigué, mon ami, rentrez. Non, ça va mieux. Oh, merci. D'ailleurs, c'est moi qui m'en vais. Vous nous présentez, Jacques. Oh, pardon, oui. Mademoiselle Antoinette Berger, madame Bray. Robert, je voudrais te dire un mot. Oui, mon petit Chardin. Quelle idée tu as eu de la retenir, toi, mon Dieu, elle partait si gentiment. C'était bien difficile, mais toi, ma place. Oui, évidemment. Alors, va. Voilà, voilà. Si par hasard, mon père est inflexible. Oh, inflexible. Ah, bah, d'ailleurs, tu as raison. Envisageons tout. Dispose de moi. Veux-tu être tout à fait chic. Mm-hmm. Pendant mon absence, ne devrait-elle durer que 3 semaines, occupe-toi de Nono. Oh non, tout n'est pas ça. Veux-tu, oh, si, non, si, non. Je t'en prie, voyons, voilà de temps en temps. Oh, c'est bien délicat, ce que tu me demandes. Ah, invite-la à dîner, 2 ou 3 fois, je te rendrai tout ça en revenant. Demande-lui qui elle fréquente, parce ah, oui. Que tout de même, oui, pas, oui. C'est pas un ange. Évidemment. Je voudrais pas qu'on me la chiffre. Moi, j'y tiens, moi, à cette gosse. Non, je comprends ça, merci. Et puis alors, pour l'argent, bon. Voilà, voilà, non, non, voilà, pour qu'elle dépense pas tout d'un coup, je t'enverrai à toi 1 000 francs tous les 8 jours. Bon. Si je peux faire plus, je le ferai. Oui, oui. Tu les lui ferais parvenir. Oui, hein? mais écoute, tout ce que nous disons là est probablement inutile. Je veux croire que ça va s'arranger avec ton frère. En tout cas, de tout mon cœur d'ami, je le souhaite. Crois-le. Merci, mon vieux. Non, merci pas. Je fais tellement naturel. Que tu emmènes Nono immédiatement. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Ah oui. Il faut que je rentre vite, moi. Ben oui. Écoute, je vais encore te demander ça. Quoi? Peux-tu la reconduire ce soir? Oh, tu abuses un peu de moi. Ah. Bon, ça aussi. Oui, fais ça, mon entendu, vieux. Entendu. Merci. Entendu. Merci. Marie. J'enverrai demain matin quelqu'un chez toi qui aura pour mission de me rapporter chez moi les chemises de nuit, les pantoufles, enfin, les objets de toilette que j'ai eus il y a 12 ans à la folie. Tu ne crois pas ça? Si ça, je t'avais prévenu, maintenant, ça y est. Alors, au revoir, mon vieux. Au revoir, mon petit. Mais oui, au revoir. Au revoir, mon petit Jacques. Oh, et du courage, toi. Et puis alors, compte sur moi. Au revoir, madame. Au revoir, mon chéri. Au revoir, mon chéri. Ton ami a du chagrin. Oui, il a du chagrin, mon ami. Pourquoi? Ça ne te regarde pas, mon ami. Au revoir. Alors, n'est-ce pas pour ce que je t'ai dit? Oui. Ne dis rien. Ce qui est convenu est convenu. Allez, maintenant, sois courageux. Va-t'en comme un homme que tu es. Petit. Oui, hein, c'est navrant, en effet, de voir un petit être désemparé comme ça. Ah, mon Dieu, j'ai un peu de viande froide. Non, froide viande. Plus rien. Partir, hein? Oh oui, c'est vadé. D'ailleurs, je vais vous remettre quelque chose de la part de Jacques, mademoiselle. Quoi donc? Attendez-moi 5 minutes en voiture, je vous rejoins. Bien. Ne vous occupez pas d'elle, dites-lui au revoir, Pauline. Voilà ce que Jacques m'a prié de vous dire, mademoiselle. Maintenant, quand nous reverrons-nous? Au hasard d'une rencontre, sait-on jamais. En tout cas, enchanté d'avoir fait votre connaissance. Merci, monsieur. Au revoir, madame. On te tend la main, Marie. Au revoir, madame. Qu'est-ce que tu lui disais? Ma chère Marie, je viens de prendre une décision irrévocable. C'est-à-dire? Je désire n'avoir plus avec toi aucun rapport, même léger. Et pourquoi? Parce que tu es parvenu par ta jalousie et ton manque de tact à lasser même mon indifférence. De sorte que maintenant... Tu aimes cette femme? Il ne s'agit pas de cette femme. Mais de quoi s'agit-il? De toi, va-t'en. Oh. Oui, va-t'en. Oh. Nous avons eu jadis des heures très agréables, et bien n'en gâchons pas le souvenir en nous obstinant. Dans une liaison qui devient chaque jour lamentable et lugubre davantage. C'est pas possible, vous me réfléchissez. Je t'ai dit que ma décision était irrévocable. Tu ne m'aimes plus. Ce n'est pas en cause. Mais alors qu'est-ce qu'il y a? Tu m'énerves. Chaque instant, j'ai envie de te foutre une paire de claques. Oh, oui, mais pas moi. Oh, mais c'est pas par ta dite. Oh. Mais si je ne veux pas te quitter. Mais je ne te donne pas à choisir. Tout à l'heure, je t'ai fait prévoir une séparation. Tu es parti, mais naturellement, tu es revenu. Tu es revenu me cramponner, me rendre ridicule. J'en ai assez. Mon Dieu, mon chéri. Va-t'en. Tu vas retrouver cette femme. Va-t'en. Mais si je ne veux pas m'en aller. Oh, alors, je vais entrer dans une colère. Non, je m'en vais. Bon. Non, je m'en vais, c'est plus prudent. Oui. Oui, je m'en vais, mais je t'aime encore. Oui. Je vais souffrir. Oui. Ne m'enlève pas tout espoir. Dis-moi qu'un jour, tu me reviendras. Un jour peut-être, mais pas plus. Leur début, Sacha Guitry, nous avons pu entendre le premier acte de Nono avec Geneviève Guitry, Nono, Sacha Guitry, Robert Chapelle, François Perrier, Jacques Vallois, Suzanne Dantès, Madame Weiss et Noël Roquevert, Jules.